par-là, par-là. Tourne, tourne, tourne la biquette. Passe par ici, repassera par là. Tire, tire, tire la queue du chat. La marie-coco ne sait pas s'arrasouner les pommes de terre. La marie-coco ne sait pas se préparer des œufs au plat. Passe par ici, repassera par là. Tourne, tourne, tourne la biquette. Passe par ici, repassera par là. Tire, tire, tire la queue du chat. Par ici, repassera par là. Tourne, tourne, tourne la biquette. Passe par ici, repassera par là. Tire, tire, tire la queue du chat. La marie-coco.